citoyens de l'altermonde, électeurs génétiquement modifiés, désasphaltons nos peines, compostons nos angoisses, trions nos soucis, renouvelons nos énergies, mutualisons nos ressources. Buvez mes promesses et mangez mes discours. Mangez mes discours. déjà charcuté ce malheureux. Commande ! Mettez les gants ! Ténèbres n'a pas fini de s'épaissir. Elle ne fait que commencer.